Bonjour, ici David en compagnie de Pierre-Luc. Quelle est la différence entre vibrer le supramental et en discuter? Bon, en discuter, c'est un très beau passe-temps. C'est-à-dire, on crée une sorte d'égrégore avec les connaissances qu'on a du supramental et on s'échange, oui, des informations, des opinions, des interprétations. C'est ça une discussion, en fait. On émet du matériel, mais qui n'a pas nécessairement une vibration dedans. C'est-à-dire que ça se passe sur le plan de l'intellect davantage. Et souvent aussi sur le plan affectif, on échange des émotions, on est enflammé, on est envoûté par ce qu'on dit. Et ça peut être intéressant comme passe-temps. Mais le vibrer, c'est autre chose, parce qu'on peut dire peut-être pas n'importe quoi, mais on peut dire beaucoup de choses qui sont très simples avec la vibration requise. En fait, quand c'est vibrer, c'est que c'est reçu à d'autres niveaux qu'uniquement les oreilles et le cerveau. Et l'information pénètre dans la cellule directement. La différence principale est que, un, la discussion se passe au niveau intellectuel surtout, et en partie au niveau de l'âme, tandis que la vibration se passe au niveau de l'énergie de l'esprit. Et ça, c'est pas facile à faire. Et justement, par rapport à ça, comment peut-on se mettre en action pour vibrer le supramental plutôt que le discuter? Ben, il faut regarder dans sa vie si notre vie est alignée sur une créativité. La créativité et la vibration supramentale, ça va de pair. Et la créativité par la parole en particulier, c'est probablement l'ultime, mais je ne veux pas dire aux gens de absolument commencer par la parole, mais il faut être créatif avec la vibration qu'on a. Ce qui présuppose qu'on a déjà identifié au moins, on a identifié suffisamment sa vibration de base. C'est-à-dire, si je me pose la question à moi-même, qu'est-ce que je fais de mieux et qu'est-ce que j'aime le plus faire? Je réponds à ces deux questions-là. Donc, qu'est-ce que je fais le mieux? Pour moi, c'est à la fois la pédagogie et le support à la transformation d'une personne. Bon, tu me dirais, oh, c'est bien parce que tu as été psychologue pendant 40, 45 ans. Je n'ai pas été psychologue pour rien, c'est parce que c'était dans ma vibration. Et non seulement j'ai la vibration pour faire ça, mais j'ai aussi le plaisir de le faire parce que tu sais que je suis retraité professionnellement, mais non cosmiquement, et que je continue quand même à faire mon fameux coaching qui n'est pas de la psychologie, mais qui est sensiblement le même processus à des niveaux plus élevés. Donc les deux questions pour savoir s'orienter dans une énergie vibratoire, c'est qu'est-ce que je sais faire de mieux, le mieux? C'est quoi le mieux que je sais faire? Traduis-moi dans ça en bon français. Ben, Qu'est-ce. c'est pourquoi que j'ai plus d'habilité, de talent. Oui, la question, c'est pas la même chose. Non, parce qu'on va chercher intellectuellement nos talents. C'est une réponse viscérale, on va dire viscérale, spontanée, immédiate. Qu'est-ce que je sais faire de mieux? À chaque fois que je pose ça à une personne, en général, si elle n'est pas trop retenue, elle va me dire ta ta ta ta. Ça va me dire c'est la communication. Elle va me dire c'est le travail avec les animaux. Ta ta ti, bon. Et ça, c'est ce que je sais faire de mieux. Et en complément, si c'est la même chose, souvent c'est la même activité ou le même domaine, qu'est-ce que j'aime le plus faire? OK, ça c'est au niveau du jeu. Mais si on y va sur un plan impersonnel, à savoir, Oui. qu'est-ce que ça dit que tu fais le mieux? Je comprends pas ta question. OK, c'est que sur le plan personnel, on peut poser la question en termes de jeu. Oui. Mais d'une manière impersonnelle, au niveau canalisation esprit, ça serait de voir qu'est-ce que ton esprit, ta source, te dit Ah, ce que tu fais. oh, cher David, je comprends ce que tu veux me dire, mais quand je travaille avec des gens, puis même pour moi-même, je me sers du jeu. Je ne m'engage pas présentement avec mon niveau de développement qui est relatif. Je ne m'engage pas à essayer de chercher au niveau de l'esprit. Parce que l'esprit va me donner ce qu'on appelle l'inspiration spontanée, ou quelque chose qui est ni censuré, ni pensé, ni réfléchi. Je vais le recevoir de l'esprit, mais je n'ai pas besoin de penser à mon esprit. Je pose la question, puis je la pose en jeu. ou tu te la fais. Idéalement, même, c'est quelqu'un d'autre qui te la pose. En tu, qu'est-ce que tu? Et tu réponds en je. Il n'y a pas de problème à ce moment-là à répondre en je. Ce n'est pas un je égoïque, c'est un je d'identité. C'est un je de manifestation de territoire et de vibration interne. Je vois là, que tu voulais peut-être me signaler que c'était trop subjectif. Le je n'est pas automatiquement subjectif, même si par définition, ça semble l'être. C'est un jeu de réponse spontanée. Et je, c'est je. Et quand on. Oui, les structures du supramental n'utilisaient pas. Utilisaient quand même le je, mais n'étaient pas chauds à l'idée qu'on reste dans l'ego, tu le sais comme moi. Et pour éviter qu'on reste trop dans l'ego, ils faisaient monter à d'autres niveaux. Mais présentement, en tout cas avec les gens que je rencontre, puis si je me regarde moi-même aussi, on n'est pas rendu au niveau de l'instructeur dans le contact avec l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut se réduire à des bibittes, mais on a besoin d'instruments encore réels, je dirais, plus réels que de dire je vais demander à mon esprit si. C'est peut-être pas ça que tu disais là, mais je reçois souvent ce genre de choses. Je vais demander à mon esprit si. Mais ça, c'est de la merde. Pardon, c'est de la foutaise, c'est dangereux. Parce qu'on intellectualise le contact avec l'esprit. Et dans l'état où est l'être humain présentement, dans l'état d'un niveau d'évolution où il est mieux d'utiliser des choses réelles qui vont évoquer du réel pour lui. Et je ne dis pas je pense que, là, on tombe dans l'ego intellectuel. Je sais que, déjà, on a une différence. Je sais que je dois faire ci, parce qu'il y a une troisième question qui vient au niveau de savoir ce qui est vibratoire. D'accord, pour qu'est-ce que je sais faire parfaitement, qu'est-ce que j'aime le mieux faire, mais j'ai perdu mon idée, qu'est-ce que c'était? Ben en fait, c'était intéressant, là, c'est que tu faisais une distinction, une nuance en fait par rapport au jeu qui peut être à la fois servir d'une manière personnelle, mais aussi pour, dans le fond, Pour manifester une ancrer vibration. le travail de l'esprit en soi. Donc, si je te demande spontanément, je te pose pas la question là parce que c'est pas toi qui es sur la sellette, mais si je demande à quelqu'un, est-ce que pour le projet dont tu me parles, la lumière est verte ou la lumière est rouge, et tu réfléchis pas, tu vas le savoir tout de suite. Ça, c'est une manifestation de l'esprit. Oui, à travers un savoir instantané, là. Un savoir instantané et qui peut prendre le jeu à ce moment-là pour s'exprimer. Je vois que ma lumière est rouge. Bon. D'accord. Je vois, il y a un jeu, mais c'est un jeu d'informations directes et réelles et spontanées. C'est pas un jeu d'égocentrisme comme j'aimerais que, je souhaiterais, ou j'ai cru longtemps, ou tatati et tatata. Tu comprends la différence? Oui, c'est que le jeu ici est pas en relation avec le désir, qui Il est relierait la pas, personne psychiquement au plan le jeu astral. est pas en relation avec le jeu. C'est-à-dire qu'il est en relation avec un jeu augmenté. C'est-à-dire un jeu qui est déjà en partie en relation avec le moi supérieur et toutes ces choses-là, la patente d'en haut, là. Donc, je m'exprime de façon indélicate envers les grandes œuvres de l'univers, mais ce jeu-là, qui n'est plus un jeu, mais qui peut se manifester en jeu. Est-ce que c'est du chinois? Je comprends. Non, c'est correct. Mais c'est sûr Qu'est-ce qui que te fait rire? l'esprit est libre de la forme. Donc, il peut utiliser, que ce soit le je, le tu, peu importe. En Oui. réalité, il sert de la forme pour véhiculer l'énergie. Fait qu'il va utiliser qu'est-ce qui est le plus efficace. Exactement. Et pour s'assurer que la personne, parce que là, je parle d'une personne avec qui on ferait affaire, là, qui te demande un service, pour s'assurer qu'elle est réelle, elle peut encore utiliser le jeu, mais sous supervision, si on pouvait l'exprimer comme ça, c'est-à-dire sous la supervision de son esprit et sous la supervision du coach ou du partenaire. Peut-être le mot supervision est un peu exagéré. En fait, sous la vigilance, disons, de soi-même ou d'une autre personne avec qui tu parles en toute confiance, qui te réajuste à mesure, si la vibration du jeu est trop jeu. Tu comprends? Oui, c'est-à-dire que si la personne a manifeste de l'orgueil à travers l'expression du je, ben il y a une autre L'orgueil, personne. c'est une des déviations C'est ça, du donc. jeu terrestre. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est correct. C'est-à-dire que c'est une déviation astrale qui s'installe dans le jeu, puis que la personne ne le voit pas. C'est intéressant qu'elle ait un partenaire de la parole pour l'aiguillonner à ce sujet. Ah ben ça sert à ça, un partenaire de parole, c'est pour justement, c'est pas pour discuter, c'est pour élever mutuellement la vibration. Et ça, l'information qui est donnée, par exemple, si tu me dis, si tu me poses une question comme on a fait il y a quelques minutes, puis que je la comprends pas, je vais te dire tout de suite, plutôt, je comprends pas ta question, et tu vas renchérir tout de suite et ça va monter la vibration. On ne Oui. discute pas à ce moment-là. On ajuste à mesure la vibration. D'ailleurs, si on regarde la façon dont on parle tout de suite, c'est le ton de la voix des deux a augmenté, pas dans le sens agressif, là, dans le sens d'intensité, de puissance, de puissance. Exactement. Donc, Exactement. Bon. ça devient intéressant d'observer le phénomène énergétique lorsqu'il s'installe, mais pour favoriser la parole qui est de type vibratoire. Est-ce que tu as des suggestions à faire aux gens pour sortir de la discussion puis entrer dans une parole qui favorise une mise en puissance réelle? Ben, première, je veux dire, pour la parole, il faut parler. Il faut parler, mais si tu parles avec quelqu'un qui est capable de te commenter à mesure, parce que la plupart des gens sont, je veux dire, je le dis pas dans le sens péjoratif, je le dis, sont constipés de la gorge. Et c'est normal, sont constipés de la parole. C'est un peu constipé de la gorge, si on veut. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir suivi des cours de chant ou d'expression sonore ou tout ça. Ça peut aider, mais c'est au niveau psychologique et au niveau psychique que se fait la volonté de parole, la volonté d'évacuer la parole. Drôle de terme, c'est la première fois que je l'utilise, évacuer. Ça fait penser à un autre orifice, mais c'est très intimement relié en acupuncture aussi, la gorge et l'autre orifice. Ne soyons pas vulgaires. Oui, merci de mettre au parfum de cela. Fait Oui, pour le que parfum, on repassera avec ce que je viens de dire. c'est ça, Bon. tu es un vrai laxatif psychique. D'accord. Alors, ça prend un laxatif de la gorge, mais qui n'est pas le même, j'espère. Et ça ne faut pas se perdre dans la supposition, disons. Je fais des jeux de mots. Bon. Alors, ça prend soit une épreuve de vie qui nous oblige à parler, soit une volonté, parce qu'on est conscient qu'il faut l'ouvrir, ce centre de la gorge-là. C'est par là que se fait la fusion. On sait, d'après ce qui nous a été donné comme information, que la fusion, pardon, et éventuellement la sexualité future va se faire par la gorge. Monsieur David, ne faites pas de joke sur la sexualité. Et tu peux T'es au rire. bout. OK. Non, ben, c'est parce que je te connais un petit peu. Tu es très en vie. Alors, mais je parle de sexualité comme ça, je veux dire que c'est le centre, ça sera le centre énergétique principal de l'être humain de la nouvelle race. La gorge, mais la gorge, le thymus au plan physique, mais la parole ou le verbe, si vous aimez mieux le comprendre comme ça. Autrement dit, c'est une parole qui vibre. Dans l'information qui est passée, c'est une parole qui vibre. Et c'est une parole non pensée, non réfléchie, qui vient d'ailleurs, et qui vous met vous-même en vibration et qui met les autres en vibration. Comment arriver là? Il faut commencer quelque part. Donc, il s'agit d'avoir, pour parler, bon, c'est bien d'avoir, par exemple, un dictaphone aussi, ou ça. Il y a des trucs, là, pour vraiment partir le déblocage, mais idéalement, il y a ce que on appelle un talking partner. Ça prend un partenaire qui est capable de contenir la vibration que, par exemple, si c'est toi, ben toi, tu as déjà du chemin, du travail de fait, mais qui est capable de contenir la vibration et de la propulser plus loin encore, comme tu fais avec moi présentement. Mais ça aide comment dire, à augmenter la puissance de parole. Mais il faut un démarrage. Souvent, il y a des limitations psychologiques. Bon, si on arrive avec une personne qui s'est toujours tenue en retrait parce qu'il y avait des problèmes, des difficultés, par exemple, au foyer, et les parents se chicanaient, puis le petit gars allait se cacher dans la toilette parce qu'il était pas capable de supporter ça avec sa grande sensibilité. Donc, il a pris l'habitude souvent de se la fermer. Pas la toilette, mais la gueule, la gueule, et pour ne pas avoir de problème, pour pour ne pas que l'agressivité entre tes deux parents tombe sur lui. C'est un exemple, c'est pas le seul. Il y a des tempéraments aussi qui ont tendance à être très introvertis. Bon, enfin, il y a des conditions de départ qui font qu'il faut savoir pour soi si on est prêt, si on a bien vu qu'il fallait développer cette parole-là parce que ça va avoir un effet sur tout l'ensemble de notre énergie et sur l'ascension qu'on va faire ensuite. Il faut le savoir déjà au niveau de la donnée informative. Il faut avoir la volonté de démarrer et de continuer, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des retenues, même s'il y a des attaques de certaines petites entités astrales qui ont l'habitude de se nourrir du mutisme ou de la peur de s'exprimer. Alors, ils vont réagir en te disant des choses comme ben, la parole est l'argent, mais le silence est d'or. Ou si par exemple, tu as des mémoires de vie antérieure où tu as été monastique ou monastérisé, alors tu as pris l'habitude du silence qui pouvait être bon à ce moment-là et tu as des réticences, tu peux avoir des réticences profondes à parler en ayant l'impression que tu vas dire des idioties, des niaiseries, que ça vaut pas la peine, que tu n'apportes rien à l'histoire de l'humanité parce qu'il y a tellement de monde qui parle. Puis si on parle du supramental, il y a tellement de monde qui s'exprime à ce sujet-là présentement que tu dis j'ai rien de plus à apporter et blablabla et blablabla. Alors que la seule chose que tu dois savoir, c'est que tu dois t'apporter quelque chose à toi-même en oubliant toutes ces conneries-là qui te sont suggérées dans la pensée et en y allant directement, comme si il dépendait de ta vie, par exemple, d'apprendre à nager et que tu décidais qu'au lieu de prendre des cours de natation pendant 2 ans, tu vas aller tout de suite avec, peut-être avec quelqu'un qui au début va te sécuriser et t'apprends à nager dans peut-être un espace de 30 minutes ou 1 heure. Tu viens de te sauver 23 mois de travail. Exactement. Puis en lien d'être ça, qu'est-ce que la volonté de parler? La volonté de parler, c'est une décision. Si tu es sensibilisé, par exemple, disons, au matériel du supramental, il n'y a pas que ce matériel-là qui prêche de parler, il y en a qui prêchent de se taire, mais il y en a qui prêchent de parler. Si tu es déjà sensibilisé à ça, que ça te touche, que ça vibre quelque chose pour toi, l'information est bonne, donc tu y vas, point. On te dit, il y a un trésor dans l'île de je sais pas quoi, là, de Saint-John's quelque chose, puis tu sais que c'est vrai, personne ne l'a trouvé encore, ben, tu vas t'organiser pour y aller dans l'île, même si tu dois vraiment chaloupe pendant 6 heures. Exactement. Autrement dit, la personne va avoir une constance dans sa volonté, elle va être mobilisée pour Oui. passer à l'action. Oui, il y a une vibration qui te touche. Ça, c'est pas le vouloir, ça vient pas de l'ego. La vibration, c'est ça que tu as à faire. Ça, c'était la troisième caractéristique là, de la non-discussion, c'est-à-dire de la vibration. Tu sais ce que tu dois faire. Donc, la vibration te touche. Tu sais que tu dois commencer à parler ou continuer à parler, mais avec plus de puissance. Tu le sais. Tu n'as pas besoin de le discuter, tu le sais. Donc, tu le fais. Voilà. Exactement. Et comme je sais que le temps file, je vais te Ah, le temps proposer à file, maintenant de file. conclure cet entretien. Donc, est-ce que tu voulais, en terminant, rajouter quelque chose? Non, je n'ai rien à rajouter, monsieur le juge. Pardon. Alors, la séance est levée. La séance est levée, c'est bien. Excellent. Donc, au revoir. Au revoir.